Noël par Charles Dickens. Noël. Il faut qu'un homme soit bien sceptique si son cœur n'est pas remué par un sentiment joyeux, si son cerveau n'est pas surexcité par d'heureux souvenirs au moment où revient Noël. Quelques individus vous répondront que Noël n'est pas pour eux ce qu'il était autrefois, que chaque Noël en revenant trouve quelque espoir chéri déçu ou détruit, que le présent ne leur remémore qu'une fortune écornée ou des revenus restreints, des festins offerts jadis à des amis infidèles dont le regard se détourne de leur malheur ou de leur ruine. N'écoutez pas ceux qui parlent ainsi. Tout homme arrivé à un certain âge peut évoquer des déboires n'importe quel jour de l'année. Alors ne choisissez pas le plus gai d'entre les 365 autres pour vos doléances respectives. Rapprochez plutôt votre chaise du foyer pétillant, emplissez votre verre et chantez. Si votre chambre est plus petite qu'il y a 12 ans, si le punch fumant remplace dans la coupe le vin mousseux, faites tout de même bonne contenance, videz-la d'un trait, emplissez-la de nouveau, redites le refrain de la vieille ballade que vous chantiez en votre jeune temps, et remerciez Dieu qu'il ne vous soit rien arrivé de pire. Contemplez les joyeux minois de vos enfants assis autour du feu. Peut-être une petite chaise reste vide. Un être adoré qui réjouissait le cœur du père et exaltait la vanité de la mère est parti pour un monde meilleur. Ne vous appesantissez pas sur le passé. Ne songez pas trop à ce bel enfant qui vous était repris et qui était là, resplendissant de santé, l'insouciance heureuse de l'enfance brillant dans son œil épanoui. Pensez plutôt à ce qui vous reste de bonheur et à vos félicités actuelles. Chaque homme en a sa part. Ne ruminez pas vos anciennes adversités, car presque tous vos semblables ont eu vos traverses. Remplissez encore votre verre avec un visage gai et le cœur en paix. Nous vous le jurons sur notre vie, votre Noël sera doux et votre nouvelle année sera bonne. Qui pourrait être insensible à ces échanges de vœux affectueux, à ces épanchements d'amitié qui abondent à ce moment de l'année? Une réunion de famille à Noël, mais je ne sais rien de la nature qui soit plus délicieux. Il semble qu'il y ait de la magie dans ce seul mot de Noël. Les jalousies mesquines, les discussions sont oubliées. Un sentiment de sociabilité envahit les cœurs qui ont été longtemps fermés. Le père et le fils, le frère et la sœur qui se rencontrant ont laissé glisser un regard froid les uns sur les autres pendant de longs mois. Offrent et reçoivent une cordiale accolade et ensevelissent leur ancienne rancune sous leur bonheur présent. Des cœurs doux qui ont désiré se rapprocher et qui en ont été empêchés par de fausses conventions d'amour-propre ou de dignité mondaine sont unis de nouveau, tout est bienveillance et pardon. Il faudrait que Noël durât toute l'année, et que les injustices et les passions qui altèrent notre nature première ne fussent jamais soulevées dans les âmes auxquelles le mal doit toujours rester étranger. Le repas de Noël, auquel nous faisons allusion, n'est pas une banale réunion de famille arrangée depuis une semaine ou deux, surgissant cette année, n'ayant pas eu de précédent et ne devant pas avoir de suite. Il faut que ce soit une institution annuelle, que tous les membres valides de la famille, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, y soient représentés, que les enfants l'aient pour objectif depuis au moins 2 mois et l'attendent avec une fiévreuse impatience. Jadis, cette fête avait lieu chez bon papa, mais bon papa est devenu vieux. Bonne maman a vieilli aussi. Tous les deux un peu infirmes se sont installés chez l'oncle Georges pour ne plus conduire leur maison, de sorte que le dîner a lieu chez l'oncle Georges. Mais bonne maman ajoute des gâteries. Bon papa s'en va pas à pas lui-même au marché de Newgate pour choisir la dinde qu'il fait rapporter en triomphe par un commissionnaire, et il insiste toujours pour que cet homme, en outre de son pourboire, soit régalé d'un verre de liqueur pour trinquer à l'heureux Noël et à la bonne année de tante George. Quant à bonne maman, elle est très affairée et très mystérieuse depuis 2 ou 3 jours, mais son secret n'est pas assez bien gardé pour qu'on ne sache pas qu'elle a acheté un splendide bonnet à ruban rose pour chacune des bonnes, en même temps que de beaux livres, des canifs, des plumes, des porte-crayons pour les enfants, sans compter les commandes qu'elle ajoute à celles de tante George chez le pâtissier, qui augmente le nombre d'épis accompagnant un immense plum cake pour le dessert. Le soir de Noël, bonne maman est toujours très gaie. Après avoir occupé toute la journée les enfants à ôter les noyaux des prunes, elle demande régulièrement à l'oncle George de vouloir bien descendre à la cuisine accrocher sa redingote et de tourner et de battre le pudding, ce que fait gaiement l'oncle Georges, aux vociférations enthousiastes des enfants et des servantes. La veillée se termine par un superbe colin-maillard, où bon papa se fait bien vite prendre pour faire remarquer avec quelle adresse il prend les autres. Le lendemain matin, avec autant d'enfants que leur tribune en peut contenir, le vieux couple se rend à l'église en grande pompe, laissant tant George épousseter les carafes et les verres, tandis que l'oncle George cherche partout des tire-bouchons et gêne tout le monde. Quand on revient de l'église, bon papa tire de sa poche une branche de gui et permet aux garçons d'embrasser leur cousine sous cette branche. Les cousins s'amusent follement, le vieux monsieur aussi, la bonne maman s'offusque bien un peu de ce manque de décorum, mais le bon papa lui rappelle qu'il avait 13 ans et 3 mois quand il a embrassé bonne maman sous la branche de gui. Bonne maman semble ravie et dit avec un sourire rajeuni que bon papa a toujours été un fat, très entreprenant, ce qui fait redoubler les rires des enfants et bon papa rit encore plus fort qu'eux. Mais tous ces préliminaires ne sont rien en comparaison de l'excitation que produit la vue de bonne maman avec son grand bonnet très élevé et sa belle robe de soie ardoise, tandis que bon papa paraît orné d'un jabot brodé et d'une cravate blanche. Assis tous deux aux deux côtés du foyer avec les enfants de l'oncle Georges et un tas d'autres cousins, ils attendent l'arrivée des invités du dehors. Voilà un fiacre qui s'arrête. L'oncle Georges, qui regardait par sa fenêtre, s'écrie « Voilà Jane !» Les enfants se précipitent jusqu'à la porte en trébuchant dans l'escalier. Tant Jane, l'oncle Robert, le cher petit baby, la nourrice, rentrent accompagnés par les clameurs des enfants, par les recommandations de ne pas faire mal aux nourrissons. Bon papa prend le baby dans ses bras, bonne maman embrasse sa fille, et à peine la confusion de cette première arrivée commence-t-elle à se calmer, que déjà apparaissent d'autres tantes, des oncles, des cousins, on n'entend plus qu'un bruit confus de paroles, de rires et de joyeux propos. Bientôt voilà un double coup de marteau, timide, hésitant, les conversations cessent et chacun se demande « Qui est-ce ?» Deux ou trois enfants penchés à la fenêtre annoncent à voix basse « Tante Margaret ». À cette nouvelle tante, George quitte le salon, bonne maman affecte de prendre un air froid et solennel, car Margaret a épousé, sans son consentement, un homme pauvre, et comme si la pauvreté n'était pas une peine assez lourde à supporter, elle a été repoussée par ses amis et privée de la société de ses chers parents. Mais Noël est revenu, les sentiments durs et mauvais qui l'ont emporté sur de meilleures dispositions se sont fondus sous cette bénigne influence, comme la glace, sa moitié formée, se fond sous le soleil du matin. Il n'est pas impossible, dans un premier mouvement de colère, de repousser l'enfant désobéissante, mais la bannir à un moment de joie et de douce gaieté, loin de ce foyer où sa place a été remplie à tous les retours du même anniversaire, où elle avait passé insensiblement de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à la jeunesse, pleine d'impressions fougueuses, voilà qui est bien différent. L'air compassé d'un pardon froidement accordé ne change pas de suite, mais quand la jeune femme est amenée par sa sœur, le regard triste et le cœur serré, non pas par la pensée de sa pauvreté qu'elle peut supporter, mais par le chagrin d'un blâme qu'elle ne mérite pas. Il est aisé de voir que cet accueil de bonne maman ne tiendra pas. Un silence suit cette entrée, la jeune femme quitte brusquement la main de sa sœur et se précipite en sanglotant au cou de sa mère. Le père s'élance de son côté et prend affectueusement la main du mari de sa fille. Les parents et amis se précipitent autour du groupe et le bonheur et la douce harmonie sont complets. Quant au dîner, il est absolument exquis, rien ne cloche. Chacun est disposé à être content de soi-même et à contenter son voisin. Bon papa fait un récit circonstancié de l'expédition au marché pour acheter la dinde, en y joignant une digression sur une emplette semblable pour les Noëls passés. Bonne maman complète par les plus minutieux détails tout le reste du dîner. L'oncle Georges raconte des histoires, découpe les volailles, s'accorde un verre de vin, plaisante avec les petits-enfants de la petite table, cligne de l'œil aux grands cousins qui se font la cour et réjouit tout le monde par sa bonne humeur et son hospitalité. Quand enfin arrive une grosse bonne ployant sous le poids d'un gigantesque plum pudding, couronné de houx, il y a tant de rires, de cris, de bravos de petites mains potelées, de coups de pied de petites jambes à fossettes, qu'il semble que le tumulte est à son comble. Il augmente pourtant à la vue du rhum enflammé qu'on verse sur les pailles. Et le dessert, et les vins, et les farces, tant de beaux toasts, tant de chansons, chantées surtout par le mari de Margaret, qui se trouve être un charmant garçon, tout occupé de plaire à bonne maman. Un jeune cousin cervelé, mis un peu à l'index, pour un manque de visites régulières et un excès de goût pour la bière de Burton, fait éclater toute la société en rires convulsifs, par des refrains comiques les plus extraordinaires qu'on puisse imaginer. Ainsi s'écoule la soirée, dans un échange de bonne volonté et de joyeuse concorde. Soirée plus efficace pour entretenir les bons rapports pendant l'année qui va s'ouvrir que les plus éloquents sermons écrits ou prêchés par les plus grands prédicateurs. Ainsi s'achève Noël par Charles Dickens.